Je les ai congédiés, dit Madame Marneffe à Lisbeth en se remettant à table. Je n'ai jamais aimé, je n'aime et n'aimerai jamais que mon jaguar, ajouta-t-elle en souriant à Henri Montès. Lisbeth, ma fille, tu ne sais pas? Henri m'a pardonné les infamies auxquelles la misère m'a réduite. C'est ma faute, dit le Brésilien. J'aurais dû t'envoyer 100 000 francs. Pauvre enfant, s'écria Valérie. J'aurais dû travailler pour vivre, mais je n'ai pas les doigts faits pour cela, demanda Lisbeth. Le Brésilien s'en alla, l'homme le plus heureux de Paris. Vers les midi, Valérie et Lisbeth causaient dans la magnifique chambre à coucher où cette dangereuse Parisienne donnait à sa toilette ces dernières façons qu'une femme tient à donner elle-même. Les verrous mis, les portières tirées, Valérie raconta dans leurs moindres détails tous les événements de la soirée, de la nuit et de la matinée. « Es-tu contente, mon bijou ? » dit-elle à Lisbeth en terminant. « Que dois-je être un jour, Madame Crevelle ou Madame Montès ? Quel est ton avis ?»« Crevelle n'a pas plus de 10 ans à vivre, libertin comme il est, » répondit Lisbeth. « Et Montès est jeune. Crevelle te laissera 30 000 francs de rente environ. Que Montès attende ? Il sera bien assez heureux en restant le Benjamin. Ainsi, vers 33 ans, tu peux, ma chère enfant, en te conservant belle, épouser ton Brésilien et jouer un grand rôle avec 60 000 francs de rente à toi, surtout protégé par une maréchale.